Allô? Allô? Ouais. Ouais. T'es en studio? Non, non. Chez moi. Ah, d'accord. Ça va? Ça va, ouais. Ok. Je suis en galère, là, ce mois-ci. J'ai mon salaire qui a baissé. Comme par hasard. Bah, je suis en arrêt maladie depuis un certain temps, donc... Ouais, et du coup, je me demandais quand est-ce que tu allais m'en aller chez Thérèse. Ah, je suis les rangs quand je les ai. Hein. Comme j'ai fait, je t'ai appelé, t'as pas eu à me redemander, je t'ai appelé, je t'ai donné ton argent, c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, ouais, je sais, mais bon, là, j'ai vraiment... Je peux pas aller voler, quoi, hein. T'as vu, je vais pas aller me prostituer non plus, hein. Donc quand je les ai, je t'appelle et je te les donne. D'accord. Voilà. Ok. C'était tout? Allô? Allô? Même pas ça, en fait, j'ai abouti. Bah, je comprends pas, en fait, quand tu me dis qu'en fait, quand t'as besoin d'aide, on est là, mais quand on s'est rencontré à l'hôpital, quand on s'est rencontré à l'hôpital et qu'on discutait, tu m'as apporté ton aide, je sais pas, moi, c'est chelou que ce que tu dis là. Mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive, en fait, tu me reproches quoi exactement? Bah, je sais pas, je te reproche de tenir ce type de discours, en fait, quand t'as besoin d'aide, t'as besoin des gens et quand t'as besoin d'aide. J'ai pas dit quand t'as besoin d'aide. Bah, t'allais dire quoi? Bah, développe. Non, mais laisse-moi parler déjà, s'il te plaît. Bah, mais développe, on a besoin d'aller. Vite, tu sais, j'ai pas que ça à faire. Oui, bah, tu me dis développe, bah, laisse-moi parler, arrête de m'interrompre. On passe une soirée avec cette meuf-là, tout se passe bien, on rigole, tatatata. Et après, le lendemain, c'est la merde, qu'est-ce qui s'est passé entre moi? Moi, j'ai pas capté. C'est la merde de quoi? Bah, je sais pas, tu me reproches quoi? Hein? Tu me reproches quoi? Mais je te reproche rien du tout. Tu me reproches rien du tout? Bah, je te reproche rien. Chacun il fait je suis pas moralisateur, chacun il fait sa vie, c'est tranquille. Donc t'as rien à reprocher, mais tu veux plus mort. Bah, c'est un choix personnel, j'ai le droit quand même de décider qui je vois et qui je vois pas. Ouais, mais tu peux aussi donner des explications aux gens. Mais pourquoi faire? Tu es une autorité morale. Je suis rien, d'accord. Je suis quoi? Tu es une autorité morale, toi, à ton tour? T'as besoin d'explications quand quelqu'un dit quelque chose? Bah, quand les relations changent sans raison, j'en entends. Non, moi je pense qu'une meuf qui a un mec doit pas fréquenter d'autres mecs, donc j'arrête de te voir. Mais on se fréquente pas, enfin, on est des potes, c'est... Non, non, ça n'existe pas, ça, chez moi, ça n'existe pas. Ah, l'amitié impact, ça n'existe pas? Non, je pense pas, non. Surtout quand on se fait des smacks, bon, c'est pas... Mais parce que t'as insisté pendant... Bah oui, bien sûr, bah... Mais t'es une femme prise, t'aurais dû refuser jusqu'au bout. Si tu l'as fait, c'est que t'as... Bah non, mais parce que je suis trop gentille. C'était pas violé, hein, c'était pas braqué un gain de nuit, un couteau sur la gorge pour que tu m'embrasses, hein. C'est que si tu l'as fait, c'est que t'en avais aussi envie, et c'est ça, c'était un scandale. Non, c'est que t'as insisté de ouf. Non, non, j'ai pas insisté de ouf, non. C'est faux. C'est faux. Tu peux te dire ça pour te donner bonne conscience, mais j'ai pas insisté de ouf. Mais j'en ai rien à foutre de me donner bonne conscience, même. Alors tranquille, on s'est fait un smack et t'es en couple, t'aurais pas dû. Moi je m'en fous, je suis pas en couple, donc j'ai rien à me reprocher. Moi non plus. Ah, c'est ta définition de la vie de couple. C'est chacun la sienne. Ok, bon. Bah écoute, on va parler avec toi. Bonjour madame, je dois te laisser, je suis à la boulangerie, excuse-moi, salut. Ok. Je dois te laisser, salut. Là, mais vous avez entendu ça? Oh là là là là. I'm the mangoose, mangoose, tant il vipé, ton daraba!